Ça s'est fait, j'ai dû me dégagner. Oh. Tu ne m'as pas fait part de tes sentiments. Pendant des années, c'était un secret. Tu me contemplais comme un monument. Et c'est notre amitié qu'on a fait des frais. Moi, j'étais aveuglé au bout d'un moment. T'as eu le courage de dire que tu m'aimais. Mais il était trop tard et pendant ce temps, avec une autre j'étais déjà engagé. Tu n'as pas souvenu la vérité. Quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. Tu n'as pas souvenu la vérité. Quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. Tu n'as pas souvenu la vérité. Quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. Tu n'as pas souvenu la vérité. Quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. J'avais nada, je perdais la foi, t'étais avec moi. Mais par où tu m'aimais comme ça? Tu voulais finir ta vie auprès de moi. Les larmes coulaient, mais je les voyais pas. Les cachais à l'intérieur de toi. Jamais rien dit, tu prenais sur toi. Maintenant c'est trop tard, tu ne veux plus. Tu n'as pas souvenu la vérité. Quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. Tu n'as pas souvenu la vérité. Quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. Tu me dis la vérité quand t'es parti, je t'ai supplié de rester. Tu n'as pas su me dire la vérité.